Le rendez-vous avec le héros de la République et les ouvriers et syndiqués a eu lieu le 26 au Palais central des ouvriers à Pyongyang, à l'occasion du jour anniversaire de la victoire dans la guerre. Y ont pris part les intéressés, les syndicalistes, les ouvriers et les syndiqués. Le héros de la République, Park In-ho, conférencier au Musée de la guerre de libération de la patrie, a pris la parole. Il a raconté le processus du combat de capture du navire espion armé américain Pueblo, qui livrait l'espionnage dans nos eaux territoriales et appelait les participants à s'acquitter de la mission de l'héroïque classe ouvrière Kim Il-sung, Kim Jong-il dans tous les secteurs de l'édification d'une puissance socialiste avec l'esprit révolutionnaire Baekdu et l'esprit de la défense de la patrie des aînés révolutionnaires manifestés dans les dures annales de la patrie. Il y a eu ensuite le spectacle de la troupe de propagande artistique centrale des ouvriers de la Fédération générale des syndicats de Corée.